PKGU, Radio Pokajou International, commence sa diffusion à partir de ce moment. Soyez les bienvenus. Bonjour, soyez les bienvenus. Vous entendez la Radio Pokajou International. Je suis Mélissa Suarez-Alveal et je suis très contente de vous accueillir comme tous les samedis. Aujourd'hui, on est très contente. Finalement, après 5 ans de travaux, on a commencé à récupérer notre forêt de cannelle. C'est une histoire assez compliquée, mais tout commence, ça fait 5 ans. Un homme, dont on ne va pas dire le nom pour des raisons de sécurité, était en train de faire une expérience culinaire. Il voulait essayer une recette de viande grillée à la cannelle. Et en fait, ce qu'il a fait, c'était d'aller à la forêt de cannelle. C'est une forêt qui se trouve à 100 km du centre de Jucapo, la capitale de l'île. Et il essayait de brûler un petit arbre de cannelle. Mais en fait, son expérience n'a pas réussi. Mais malheureusement, il a brûlé plus de 100 km de forêt de cannelle. C'est en fait la forêt la plus proche de la capitale, de Jucapo. Bien sûr, vous pouvez imaginer la tristesse qu'on a expérimentée quand on a commencé à sentir la cannelle brûler. On dirait même un énorme pan perdu qui a resté pour longtemps dans la pelle. Mais bien sûr, la communauté folk de Pokajou était l'un des plus indignés. Parce que, ils considéraient cette forêt comme leur studio. Presque tous les festivals avaient lieu dans les vallées de la forêt de cannelle. Et la plupart des musiciens de folk allaient jouer la guitare dans cet endroit. On dirait que même Andrew Bird, le chanteur siffleur américain, a appris à siffler en imitant les oiseaux de cet endroit. Plusieurs artistes, spécialement comme je viens de dire des musiciens de folk, se sont manifestés et organisés pour attirer des volontaires dans les travaux de reforestation qui sont toujours en train d'être faits, mais que heureusement aujourd'hui, ça commence à rendre visible et à donner des résultats. En fait, vous pouvez toujours rejoindre les différentes associations qui sont en train de planter des pousses d'arbres de cannelle. Parmi eux se trouve Brigitte Fontaine, qui s'est inspirée dans la magnifique forêt de cannelle de Jucapo pour écrire sa chanson autoportrait Brigitte dans les débuts des années 70. On va l'entendre. Brigitte. Toujours au fond des cafés, comme au fond d'un bois, tu ne veux pas qu'on te setting off from closer ears, bounding into heavy pouring sound. Come quick into the icy sting, sharpening to everything, pounding boundaries. On vient d'écouter Brigitte Fontaine avec son autoportrait sonore Brigitte, inspiré bien sûr par la forêt de cannelle. Si vous avez fait attention aux mots de la chanson, elle parle des bois et bien sûr elle parle de la forêt de cannelle de Pocahou. Après, on a écouté à la chanteuse américaine Linda Perhax qui, dans son seul mais célèbre album Parallelograms, a dédié une chanson au réseau aquatique qui permet d'avoir de nombreux ruisseaux dans cette réserve. En fait, c'est un endroit magnifique. Si vous êtes à Jucapo dans les semaines prochaines, je vous recommande vraiment d'y aller parce que c'est un endroit magnifique, spécialement maintenant que les travaux de réforestation commencent à se rendre visibles. Depuis que l'incendie de la forêt de cannelle est arrivé, les balades dans les jours de pluie sont assez ennuyantes. Maintenant, bon, pas tellement, mais bon, évidemment, c'était beaucoup mieux avant de cet incendie. Et bien sûr, la récolte de cèpes au goût de cannelle ainsi que de célèbres randonnées dans la boue, un plaisir réservé aux musiciens de folk, ont été arrêtées pendant ces 5 années de réforestation. Vashti Bunyan, mythique musicienne anglaise, amateur de cèpes avant tout, a décidé de venir à Pocahou et chanter pour l'occasion la chanson qu'elle a aussi composée en honneur de cette forêt de cannelle. Aujourd'hui, après 5 ans juste, après qu'on a commencé à planter des arbres, les premiers pousses commencent à grandir et la forêt commence à avoir la bonne mine. Et même les cèpes commencent à pousser depuis l'année dernière. Et oui, les cèpes, bon, voilà la raison pour laquelle Vashti Bunyan aime tellement la pluie, comme vous allez entendre dans sa chanson « Come Wind, Come Rain ». Oh, C'était Come Wind, Come Rain de Vashti Bunyan. Avant de finir, on voudrait juste remercier à tous les bénévoles qui ont aidé à planter cette magnifique forêt de nouveau. On vous remercie de la part des musiciens folk de Pocahou et d'ailleurs, parce que la forêt de cannelle est vraiment quelque chose de très très spécial et on aime bien la pouvoir protéger. En tout cas, la chanteuse Jessica Pratt, originaire de Californie, a décidé d'écrire une chanson pour le jour où cette histoire sera adaptée au cinéma et peut-être aussi à la Californie. Avant de finir, je voulais aussi juste vous rappeler que si jamais vous venez à la forêt de cannelle, pour ceux qui nous entendent en France, et il est absolument interdit de prendre de la cannelle de cette forêt parce que, bien sûr, elle est devenue une réserve naturelle protégée. Alors, pas question d'apporter de la cannelle chez vous. Voici Hollywood de Jessica Pratt. Merci de nous avoir accompagnés et à bientôt. Radio Pocageux International finalise sa diffusion pour aujourd'hui. Vous pouvez entendre la rediffusion le mardi à 10h. À la prochaine !